الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وصلى الله على نبينا وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قد جاء في حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. Il fut rapporté dans un hadith authentique, muttafaqun alayhi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'islam a été bâti sur cinq piliers, qui sont la première attestation de la ashhadu an la ilaha illallah, la deuxième wa anna muhammad rasulullah, que Muhammad est le messager d'Allah, wa l'accomplissement de la salat, l'acquittement de la zakat, le hajj et le jeûne de Ramadan. Donc ce hadith, connu par tous, dans toute sa clarté, démontre quels sont ces piliers de cette religion que Allah Azzawajal nous a imposé de suivre et dont il est le seul qu'il accepte, qui est l'islam. Inna dina indallah al-islam. Et le deuxième pilier de cette religion, c'est la salat. La salat. Celle salat qui a été, elle, imposée aux croyants, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore à Mecca, lors du Mi'raj. Mi'raj, c'est ce qu'on appelle l'ascension. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était à Mecca et Jibril est venu le voir et qu'ils ont ouvert son ventre, qu'ils l'ont nourri avec, ils l'ont nettoyé avec l'eau de Zamzam et qu'ils l'ont rempli de Iman. Après, il est monté avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam au ciel. Et il est monté jusqu'au septième ciel. Et à chaque ciel, il a rencontré un des prophètes. Au sixième ciel, il y avait Moussa alayhi salam, au septième, il y avait Ibrahim. Et une fois arrivé en haut, au Sidrat al-Muntaha, par la suite, Allah Azzawajal lui a imposé 50 salawat. 50 salat. Pour sa communauté. Donc de là est venue l'obligation de cette salat, de ce pilier. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est redescendu pour retourner sur terre, lorsqu'il est repassé par Moussa, il lui a dit: Moussa, ma sanarta, qu'as-tu fait? Kultu furida alayya khamsun salat, qu'il m'a été imposé de faire 50 salat. Moussa lui a dit: inna ummatak la tutiq zalika farji li rabbik, que ta communauté ne pourra supporter cela, c'est beaucoup trop 50, retourne à ton Seigneur. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam retourna plusieurs fois. À chaque fois, Allah Azzawajal réduisait du nombre. Il retournait, Moussa lui dit: réduis encore, c'est beaucoup trop, jusqu'à ce que ça arrive à 5. Et même à 5, Moussa lui a dit: retourne vers ton Seigneur, demandez qu'il réduise. Wa qala an-nabi sallam: salimtu bi khair, ou fi ma'na stahaytu min rabbi, je suis gêné, c'est-à-dire ce nombre je l'accepte. Fa nudiya inni qad amdaytu faridati wa khaffaftu an ibadi wa ajri al-hasana 10. Qu'il fut dit dans le ciel, c'est-à-dire Allah Azzawajal l'a dit, que mon ordre a été décrété, que j'ai réduit pour mes serviteurs et que je rétribue une hasanat par 10. Donc ça veut dire les 50 salawat. Aujourd'hui, on n'en fait que 5. Chacune, elle en vaut 10. Cette même salat dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal: Alors, biruka biras al-am wa umoudi wa zirwat sanamihi, ne vais-je pas t'informer du capital de l'affaire, de son pilier vecteur et de son sommet? Mu'adh, il a dit: Bala ya Rasulallah. Il a dit: En effet, oui. Il a dit: Ras al-amr al-islam, le capital de l'affaire, c'est l'islam, comme nous l'avons dit. Wa umuduhu as-salat, son pilier vecteur, c'est la salat. Wa zirwat sanamihi al-jihad, et que son sommet, c'est le jihad. Donc la salat, c'est le pilier vecteur de cette religion, deuxième pilier. Après cette salat, il y a une divergence par rapport au ulama, entre par rapport à celui qui la délaisse, est-ce qu'il est croyant ou pas? C'est une divergence qui existe depuis longtemps. Et là n'est pas le sujet dans la divergence. Bien que moi je suis d'avis que celui qui la délaisse est kafir. C'est un mécréant. Quoi qu'il en soit, d'autres ulama voient que cela est du kufr Mina. Tant que la personne ne refuse pas son côté obligatoire, c'est-à-dire qu'il la délaisse par paresse. Il sait qu'il faut la faire, il la reconnaît, mais ne la fait pas. Donc, par rapport aux gens qui ont pris cet avis-là, qui délaissent la salat et qui se voient comme étant des croyants, on aimerait ici faire une nasiha, faire un tambi, un rappel de ne pas prendre la chose à la légère. Que malgré que les ulama ont dit que ce n'est pas du kufr, cela reste quand même parmi les jara'im al-azim fi hadha ad-din, parmi les crimes immondes, les plus immondes dans cette religion, qui est le délaisser cette salat. Cette salat qui est le pilier vecteur de notre religion. Le deuxième, mais dans l'affaire de façon générale, c'est la salat. Et ce délaissement engendre des méfaits. Ça engendre des méfaits, de nombreux méfaits. Fit dunya en ce bas monde ou fil akhira. Pour l'individu. On va ici citer certains dalils en guise de rappel pour que celui qui a un cœur, puisse le réanimer. On va dire un cœur mort ou malade par cet acte, selon la vision de ceux qui voient que ce n'est pas un mécréant. وَلَعَلَّ اللَّهِ يُوَفِّقَهُ لِتَوْبَةِ وَرُجُعِ لِسَّوَامِ نعم. Donc au premier lieu, on va parler de certains méfaits que cela emmène sur le serviteur. D'accord ? فِي هَذِي الدُّنْيَا En ce bas monde. En premier lieu, celui qui ne fait pas la salat, son sang est illicite. Il est permis de le combattre. Car à la base de Moussim, son sang est interdit. في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا في حق الإسلام فحسابهم على الله متفق عليه qu'il est dit il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils fassent les deux attestations et qu'ils accomplissent sa salat et qu'ils s'acquittent de la zakat et s'ils font cela alors leur sang et leur bien ils seront prémunis de moi dans leur sang et dans leur bien. Hormis dans un droit de l'islam, là, à ce moment-là, leur compte revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui ne fait pas salat, son sang et même ses biens sont licites. وَكَمَا قَالَ تَعَالَى فَإِنْ صَدَقَ أَشْهُرُ الْحُرُمِ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Et que si jamais les mois sacrés s'expirent, alors tuez les mouchidékines, où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les, et tendez-leur des embuscades. Et si jamais ils se repentent, et qu'ils accomplissent la salat, et s'acquittent de la zakat, alors laissez-leur la voie libre. Et que certes Allah est pardonneur et miséricordieux. Par rapport à ce verset-là, que certains pourraient s'imaginer que cela n'est valable que pour le mécréant de base, d'origine. Yaqul l'imam al-Sa'adi, rahmallahu ta'ala, وفي هذه الآية دليلنا لأن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة فإنه يقاتل حتى يؤديهما كما استدل بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه il a dit que ce verset est une preuve que ceux qui ne complissent pas la salat et qui ne s'acquittent pas de la zakat qu'on doit les combattre jusqu'à ce qu'ils appliquent cela et ce verset là est une preuve qu'a pris Abu Bakr al-Siddiq lorsqu'il a combattu ceux qui ont refusé de donner la zakat après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À savoir que certains parmi eux n'ont pas donné la zakat en refusant ce côté obligatoire, en disant on n'avait qu'à la donner à Mohammed, maintenant on n'a plus à la donner. Donc eux, ils ont apostasié. Et d'autres ne l'ont pas donné par avarice. Mais ils reconnaissaient qu'elle était obligatoire. Et pourtant, Abu Bakr Siddiq, il les a tous combattus. On appelle ça que c'était la ridda. Bien que la plupart, ou plutôt que beaucoup d'entre eux n'étaient pas des apostats. Mais cette affaire a été appelée de la sorte. Donc ce verset n'est pas propre comme kuffar d'origine, mais même aux muslimines, selon la vie que vous savez, qui ne font pas la salat. Kazalik, qui montre l'importance de cette salat, qu'on le combat celui qui ne l'a fait pas, dans le hadith de Anas ibn Malik. رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغير حتى يصبح فإن سمع أذانا أمسكه وإن لم يسمع أذانا أغار بعد ما يصبح qu'il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il partait pour une conquête, pour aller en bataille contre une contrée, il attendait le matin pour voir s'il entendait l'azan au Fajr. S'il entendait l'azan, il ne combattait pas, car il avait affaire à des musulmans. Et si jamais il n'entendait pas l'azan, il combattait. Pour dire que ça, c'était un emblème pour eux. Qu'il n'y avait pas l'azan, c'est que les gens ne font pas salat, donc leur sang est licite pour les combattre. ثم جاء عن عبيد الله ابن عدي ابن الخيار عند الإمام أحمد أن رجلا من الأنصار حدثه كان homme parmi les Ansar a voulu tuer que a rapporté que Sarrah afin de tuer un homme parmi les munafiqin, un homme parmi les munafiqin, c'est-à-dire qui font partie de l'islam et qui renferment le kufr en eux. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Alaysa yashhadu an la ilaha illallah? Cet homme-là que tu veux tuer, n'atteste-t-il pas que de la ilaha illallah? Et l'Ansari, il a dit: Oui, au messager d'Allah. Cependant, son attestation n'est pas acceptée, n'est pas valable. Après, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam: Alaysa yashhadu anna Muhammadan Rasulullah? N'a-t-il pas attesté que Muhammad est le messager d'Allah? Il a dit: Si, au messager d'Allah. Mais son attestation n'est pas acceptée. Il a dit, Elaysa yusolli, ne faisait-il pas la salat? Il a dit, si, messager d'Allah. Voilà salat alahu, mais sa salat n'est pas acceptée. Faqara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hada wa shahid, il a dit, Ulaika alladhina nahani Allahu anhum, ceux-là sont ceux qu'Allah m'a interdit, c'est-à-dire de prendre leur sang, de les tuer. Et pourtant, c'était quelqu'un qui était connu comme étant munafiq, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit qu'il n'était pas munafiq, il a juste dit, il a dit ceci, il a dit cela, il fait ceci, il fait cela, donc tu ne le touches pas. Et également, celui qui ne fait pas salat n'est pas considéré comme étant un frère pour nous. Comme a dit Ta'ala, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوُوا الزَّكَاةَ فَيْخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Que si jamais ils font tawba et qu'ils accomplissent la salat et qu'ils s'acquittent de la zakat, alors ils seront vos frères en religion. C'est-à-dire qu'un tawba complète d'un kafir, c'est celle-ci. Donc qu'en est-il d'un musulman qui ne fait pas? D'accord? Qui ne la fait pas du tout. Il n'est pas considéré comme étant notre frère. Et ça, c'est parmi les hadiles que les ulama apprennent pour justement rendre mécréant ceux qui ne font pas la salat. Ce verset. Comme vous le savez, fi dinina, inda al-sunnati wa jama'a, chez les gens de la sunna, il est interdit de sortir contre le gouvernement musulman. Interdit. Cela est parmi les sifats des khawarij. Wa ma'a dhalika, بوب الإمام مسلم أو بلطو الإمام النووي بعبوة صحيح المسلم قال باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك. Le titre du chapitre, c'est l'obligation de blâmer les gouverneurs lorsqu'ils s'opposent à la législation, mais qu'on ne doit pas les combattre tant qu'ils font un salat. Et le dalil, c'est le hadith de Salama, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inna usta'malu alaykum umara, que vous serez sous la direction, sous l'autorité de dirigeants. Fata'alifuna wa tunkirun, qui feront du bien, qu'ils feront du mal. Faman kariha faqad bari'a, celui qui détestera le mal qu'ils feront sera innocenté. Wa man ankara faqad salima, et celui qui aura blâmé sera épargné des conséquences par la suite. Walakin man radiya wa ta'abir, cependant le reproche pour ceux qui auront agréé, qui auront suivi dans la transgression le gouverneur. فقالوا ذلك الصحابة يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ Nous ne devons pas les combattre, justement ces gouverneurs, pour ce qu'ils font. قال لا ما صلوا. Non, tant qu'ils accomplissent la salat, on ne les combat pas. Regardez bien, tant qu'ils font la salat, on ne sort pas contre le gouverneur. Ce qui prouve également, ça c'est parmi les adillah que les gens, les ulama apprennent pour dire que celui qui ne fait pas la salat, c'est un kafir. Mais là n'est pas le sujet comme on l'a dit. Donc même le gouverneur contre lequel il n'est pas permis de sortir, cette permission se voit levée, ou cette interdiction à Fouane se voit levée, à quel moment? S'il délaisse sa salat, et qu'il ne la fait plus accomplir dans son mujtama. Wali'az billah. Et le fait, comme l'a dit l'imam muslim après ce hadith, le fait de blâmer et de détester, c'est dans son cœur. Après, les gens qui ont la capacité de pouvoir confesser le gouverneur en privé, doivent le faire. كذلك, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait souhaité aller brûler les maisons de qui? De ceux qui ne font pas la salat en jama'a. Ce n'est pas ceux qui ne la font pas du tout. Ceux qui ne viennent pas à la salat al-jama'a, comme le hadith d'Abi Hurayra, radiallahu anhu, qala wa alladhi, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa alladhi nafsi bi yadihi, laqad hamamtu an amir, an amura bi hatabin fayuhtab, thumma amura bi salat, fayu'adhdhan laha, thumma amura rajulan fayu'ammu an-nas, thumma ukhalif ila rijal, fa'uharrika alayhim buyutahum, ay alladhina la yashhaduna as-salat. Qu'il ait dit, par celui dont mon âme est dans sa main, j'aurais voulu que l'on me rassemble des fagots de bois, puis que j'ordonne que la salade soit accomplie, que l'on fasse l'azan, puis que je fasse quelqu'un mener la salade, causer la salade à ma place, puis que je m'en aille avec des gens, avec des hommes, pour aller trouver les maisons de ceux qui ne font pas salade en groupe et les brûler leurs maisons sur eux. Ou le hadith, c'est muttafaqun alayh. Ça, c'est pour qui? Pour celui qui ne fait pas la salade en groupe. C'est-à-dire qu'il a fait la salat, mais il ne l'a fait pas en groupe. Qu'en est-il de celui qui ne l'a fait pas du tout? Qu'en est-il? Wa qala Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Ibn Mas'ud, il a dit quoi? Man sarrahu an yalqiya Allah ghadan musliman falyuhafiz ala hadhihi as-salawat haythu yunada bihinna. Qu'il a dit, celui qui souhaite rencontrer Allah en étant musulman, alors qu'il perdure, c'est-à-dire qu'il préserve ses salat là où on y appelle. فَإِنَّ اللَّهَ شَلَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَى اللَّهُ وَسَلَّمْ سُنَنَا الْهُدَى. Que Allah a légiféré pour votre prophète justement les voies de la guidée. وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنَا الْهُدَى. Et que ces salawats justement font partie de ces voies de la guidée. وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بِيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ. Et si vous mettiez à faire la salat dans vos maisons comme le fait celui-là, c'est-à-dire en parlant de celui qui n'est pas la salat au masjid en groupe, لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ. Vous auriez délaissé la sunna de votre prophète. Pour la talak tum sunnat nabiyikum, la doral tum. Et si vous avez délaissé la sunnat de votre prophète, vous allez vous égarer. Thumma qala, wa laqad ra'aytuna ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lum an-nifaq. Il a dit, j'ai bien vu, nous avons bien vu, c'est les sahaba, que personne ne délaisse cette salat, c'est-à-dire en groupe, hormis un munafiq dont le nifaq est ma'lum. C'est-à-dire un hypocrite dont l'hypocrisie est connue. Donc pour les sahaba, celui qui ne faisait pas la salat en groupe, c'est-à-dire sans excuse, était qualifié de munafiq. Donc on le redit encore, comme à chaque fois. Qu'en est-il de celui qui ne l'a fait pas du tout, ni en groupe, ni individuellement? Celui qui n'est pas la salat, du asr, faqat, du asr, ses œuvres sont annulées. Comme a déjà fait hadith Bouraïda. Qala, bakkiru bis salat, fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. Qu'il ait dit, Bouraïda, radiallahu anhu, dans un jour nuageux, faites la salat, faites-la tôt, c'est-à-dire, ne tardez pas à la faire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a délaissé la salat du asr, ses œuvres sont annulées. C'est-à-dire, ses œuvres qu'il a accomplies par les jawarih, par ses membres, elles sont annulées. Wa kadhalika, les anges témoignent en faveur de ceux qui font la salat, et en plus en groupe pour Allah Azza wa Jal. Qu'a fait hadith Abi Hurayra? Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, yata'aqabuna fiikum malaikatum bil layl wa malaikatum bin nahar, wa yajtami'una fi salat al fajr wa salat al asr. Il a dit que des anges se relaient de nuit et de jour en votre sein. Ils se rassemblent à la salat du fajr et à celle du asr. ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ. Après, ceux qui ont passé la nuit avec vous s'en vont pour retourner vers Allah Azza wa Jal. فَيَسْأَلُوهُمْ وَوَ أَعْلَمُ بِهِمْ. Après, ils interrogent ces anges qui se relayent. Que Allah interroge ces anges et il est plus savant qu'eux. Mais il les interroge quand même. كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي. Comment avez-vous laissé mes serviteurs? Comment avez-vous laissé mes serviteurs? فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ. Ils ont dit, ils disent ces anges, nous les avons laissés alors qu'ils faisaient la salat. Et nous sommes rendus auprès d'eux, ils faisaient la salat. Donc ces anges-là, que vont-ils dire de ces gens-là qui ne faisaient pas la salat auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait déjà que les gens ne font pas la salat? Yaqulullah, ou yaqulun nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit le hadith Al-Jad al-Damri, c'était un sahabi, Al-Jad, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala, man taraka salat jum'a, تهاونا بها tabaha Allahu ala qalbi, que celui qui délaisse trois fois le Jumu'ah par négligence, Allah va sceller son cœur. Trois Jumu'ah. Il n'a pas dit cinq salades par jour. Il n'a pas dit toutes les salades de la semaine. Il a dit trois Jumu'ah. Donc qu'en est-il de celui qui ne fait aucune salade? Que celui qui délaisse trois Jumu'ah d'affilée, ou d'affilée, ce n'est pas dans le hadith, ce n'est pas précisé, et cela par négligence, alors Allah va sceller son cœur. Qu'attendre de celui qui ne fait pas salat bikulliya? Min ashad mayakun, parmi les choses les plus avilissantes qu'il y ait pour celui qui ne fait pas salat. Comme a dit le hadith Abdillah radiallahu anhu, il a dit qu'il fut cité auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam un homme qui dormait jusqu'après l'heure de la salat du Fajr. Il dort. Et qui n'a pas fait la salat du Fajr en son temps. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam « Bala shaitan fi uzuni » Bon, le hadith mutafakun alayhi. Que celui qui ne s'est pas levé volontairement, c'est-à-dire ce n'est pas une chose qui lui est, ça peut arriver de ne pas se réveiller. Là, il parle de celui qui a dormi en sortir du temps de la salat du Fajr. Il n'a pas fait en son temps. Celui-là, shaitan, a uriné dans ses oreilles. C'est-à-dire, on prend le sens comme cela est venu. On n'a pas à faire des interprétations métaphoriques, de dire ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Non, tout comme on dit que Shaitan il mange avec nous, il mange avec nous. On n'a pas interprété cela. Comment est-ce que Shaitan il rentre chez nous lorsqu'on ne dit pas la basmala? C'est pareil. Ben là, Shaitan il urine dans les oreilles de celui qui ne fait pas la salat du Fajr à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire à celui qui ne fait pas la salat aslan? Qu'est-ce doit-il lui arriver à celui-là? Wali'azubillah. Également, on peut lier à cela, à cette mas'alala, d'accord, toutes les preuves, les menaces qu'encourt celui qui ne fait pas la salat à la base, à l'heure. Car il n'y a pas que ce hadith-là. Qadhalika fi qawli Allah azza wa jalla fa waylun lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Et malheur à ceux qui font la salat, d'accord, mais qui sont inattentifs à leur salat. Maintenant, c'est quoi cette inattention qu'il y ait? C'est pas le fait de penser à autre chose, de distrait. C'est ceux qui ne font pas la salat dans son temps. Comme a dit Afi, Tafsir a dit l'Aya, ceux qui la délaissent dans son temps, ou qui ne respectent pas ses piliers, qui ne donnent pas d'importance, d'accord? Ce sont ceux-là qui sont concernés par le verset. Quant à celui qui est inattentif dans sa salate, qui pense à autre chose, ça c'est une chose qui arrive à tout le monde. Le verset, là, vise ceux qui ne font pas la salate à l'heure. Donc Allah yakulu waylun lil musallin, malheur à ceux qui font la salate. Ils la font à salat, mais pas à l'heure. Donc cela est un rappel pour ceux qui ne la font pas du tout également. S'il y a malheur à ceux qui ne la font pas à l'heure, que va-t-on dire de ceux qui ne la font pas du tout? Kadhalik, parmi ceux qui les menacent qu'encourt celui qui fait mal la salat, pas à l'heure, ou qui ne la respecte pas. Comme a dit le hadith Ubad ibn Samit, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. Qu'il a dit, Nabi صلى الله عليه وسلم, cinq salats que Allah a rendu obligatoire. Celui qui fait bien l'ouzou, ses ablutions, et qui fait ces salats-là à leur temps, en respectant bien les inclinaisons et le khushu', l'humilité dans la salat, la concentration, d'accord, celui-là, il aura un ahd, c'est-à-dire une promesse que Allah lui pardonnera. Wa man lam yafa'il falaysa lahu 'ala Allah ahdun in sha'a ghafara lahu wa in sha'a 'adzaba. Par contre, celui qui n'agit pas de la sorte, qui n'a aucune garantie auprès d'Allah, si Allah veut, lui pardonnera, et s'il veut, il le châtiera. Et s'il veut, il le châtiera. Pourquoi? S'il a mal fait. Il l'a mal faite. Donc là, ça concerne des gens qui font la salat. Regardez les menaces qui concourent des gens qui font la salat. فَمَا بَالُكَ بِمَنْ لَمْ يُصَلِّ أَصْلًا. Qu'en est-il? وَلِعَذُ بِاللَّهِ. Cette salat est une protection. Et toujours utile pour celui qui l'a fait correctement. كَمَا قَالَ تَعَالَى اُتْلُ مَوْحِيَّ إِلَيْكَ مِنِ الْكِتَابِ وَقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَةِ وَالْمُنْكَرِ. Il a dit, récite ce qui était révélé du livre et accomplis la salat, car la salat empêche justement de tomber dans les turpitudes et dans le blâmable. Et le rappel d'Allah est plus grand. Et Allah sait ce que vous faites. Donc regardez bien. La salat empêche de tomber dans la turpitude et de tomber dans le blâmable. Les gens pourront dire, nous on voit des gens qui font la salat et pourtant ils tombent dans les péchés ouvertement, sans pudeur ni rien du tout. On dit, ça leur revient à ce qu'on a dit auparavant. Cette salat, ils la font, mais comment est-ce qu'ils la font? Comment ils leur khushur? Comment ils sont les arkan, les wajibat et le temps? Est-ce qu'ils la font correctement? Hadahu. Le verset concerne là, ce qui fait la salat, correctement. Maintenant, personne n'est à l'abri de faire des péchés malgré tout. Mais ceux qui font la salat, celui qui fait la salat, Allah lui accorde le tawfiq de pouvoir faire tawbah, de délaisser ses turpitudes et ses farchas. Et c'est un rappel également, ce genre de adillé qu'on cite là actuellement, là, pour ceux qui se permettent de regrouper la salat le soir à cause du travail. Ils font la salat, mais ils la regroupent le soir. Pourquoi? À cause du travail. Pour la dunya. Ils sont concernés par tout ce que l'on cite actuellement là. Voilà la musta'an. Celui qui ne fait pas la salat également, Allah Azzawajal le décrit comme faisant partie de ceux qui ont parmi les pires caractéristiques. Yaqulu subhanahu wa ta'ala innal insana khuliqa halu'a idha massahu al-shar jazu'a wa idha massahu al-khayr manu'a illa al-musallin alladhina hum 'ala salatihim da'imun. Dans le sens où Allah a dit que certes l'homme a été créé instable, inquiet. Et que lorsque le mal le touche, il est affligé, il est abattu. Et lorsque le bien le touche, il devient un grand avare. Il a dit, exception faite pour qui? Pour ceux qui font la salat. Ceux qui sont, qui perdurent, qui la font de façon régulière. Eux sont préservés de ces caractéristiques. Ça veut dire au même niveau, tout le monde connaît la peur. Tout le monde peut être attristé par un malheur. Tout le monde peut faire preuve d'avarice dans les biens qu'il a. Mais ce n'est pas au même niveau que les gens cités dans le verset. Et de plus, comme on l'a expliqué, le musulman, le croyant mu'min, yatoub ila Allah, wa yuraji nafsa. Celui qui ne fait pas la salat se voit exclu des mérites que Allah Azza wa Jal cite de ceux qui font la salat dans ses livres révélés. Ce n'est pas que dans le Coran, comme encore l'État Allah, Muhammadun Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. Dans le sens où Allah dit que Mohammed et ceux qui sont avec lui, Mohammed et le message d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants et miséricordieux entre eux, entre croyants. Et tu les vois inclinés, prosternés, ils recherchent les grâces de leur Seigneur ainsi que l'agrément. Et leur signe à ces gens-là est sur leur visage, parmi les traces de la prosternation. Et tel est leur exemple, c'est-à-dire l'image qui est faite d'eux, dans la Torah et également dans l'Injil, c'est-à-dire dans le livre des Yahoud, des Juifs, et dans le livre des Chrétiens. Ils ont tous les mêmes caractéristiques. Et dans le tafsir des Salafs, ils disent quoi? Que cette trace, cette marque de la prosternation, ce n'est pas la marque qu'on a sur le front que les gens s'imaginent, c'est qu'il y a sur leur visage, il y a une lumière. وكذلك ما جاء في عن مجاهد وعن واحد الخشوع والتواضع. Que tu vois sur l'humilité et la modestie. D'accord? Car Mujahid fut interrogé justement à propos de cette marque sur le front. قال وما كنت أراه إلى هذا الأثر في الوجه. Quelqu'un lui a dit, ce verset-là, je pensais qu'il concernait cette trace qu'on a sur le front, sur le visage. قال ربما كان بين عيني من هو أقصى ou aksa kalban min Fir'aun. Il a dit que cette marque-là, que tu vois sur le front, sont entre les deux yeux de quelqu'un qui a un cœur encore plus dur que Fir'aun. Ça, regardez les Khawarij, qui faisaient la salat tout le temps, à tel point que même leurs genoux étaient aussi devenus aussi rigides que ceux des chameaux, de la prosternation. Et pourtant, regardez, c'était quoi? Même certains, ulama, ils ont rendu mécréants. Donc ce n'est pas cette marque-là en soi que le verset, il vise, mais le visage du Musalli à une lumière, à une beauté que tu ne trouves pas ailleurs. Donc celui qui ne fait pas la salat est exclu de ses caractéristiques et il a bien dit que Mohammed Rasulullah, d'accord, ou Lazina Ma'ahu, ceux qui sont avec lui. Donc ceux qui ne font pas salat ne sont pas avec lui. Ceux qui font salat ne sont pas avec lui. Ou kadhalik, quand le ta'ala, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Allah, il a dit dans le sens, certes, on réussit les croyants, ceux qui sont humbles et concentrés dans leur salat, et qui sont réguliers dans leur salat. Ils ont certes réussi. Celui qui ne fait pas salat a échoué. Allah Azzawajal a affirmé qu'ils ont réussi. Donc celui qui ne l'a fait pas, bimafou man mukhalafa, en comprenant le contraire du verset, cela implique que lui, il aura échoué. Celui-là aura échoué. En délaissant la salat, on perd de nombreuses occasions pour pouvoir expier les petits péchés. Bien qu'à la base, regardez bien, on le dit précédemment, que ce qui fait pas la salat, il n'est pas préservé des turpitudes, du farsha et du munkar. Donc, combien va-t-il accumuler de péchés et de péchés et de péchés? Celui qui fait la salat, lui, comme tout le monde, il est amené à faire des erreurs, à faire des péchés. Mais par ces salawat-là, il peut les expier, ces fautes-là. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith Jabir, « Mathalou salawat al-khams, comme mathalil nahr jarin » que l'exemple, justement, des cinq salawat, c'est comme l'exemple d'un fleuve courant, d'un ruisseau courant. « Amrin ala bab ahadikum » qui court, d'accord, qui s'écoule devant la porte de la maison de chacun d'entre vous. D'accord, ce ruisseau s'écoule devant nos maisons. « Yartasil minhu kulla yawmin khamsa marrat » il se lève dans ce ruisseau cinq fois par jour. « Kama kalla hassan wa ma yubqa dhalika min al-dahn » et donc, qu'est-ce que cela va-t-il laisser comme saleté sur lui? Cinq fois par jour, il se lave. Il n'y aura plus de saleté sur lui. Ben, la salat, elle en est de même par rapport aux petits péchés. Wa fi hadith Abi Hurayra, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala as-salat al-khams wal-jum'ah al-jum'ah kaffaratun lima baynahunna man lam tughsha al-kaba'ir. Qu'il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi hadith Muslim, qu'il a dit, les cinq salat, c'est-à-dire de salat à chaque salat, de jum'ah à chaque jum'ah, cela est une expiation pour ce qui est entre eux. C'est-à-dire, entre chaque salat, tes péchés sont pardonnés. De chaque jumu'ah, tes péchés sont pardonnés. D'accord? Tant que la personne ne commet pas des grands. Ça, c'est un rappel, ce qu'il n'a fait pas. Qu'est-ce qu'il doit accumuler comme péché? Et se voir qu'ils ne sont pas expiés. Et tout ce qu'on vient de dire précédemment, qu'on vient de citer là, « Hada mu'akkadun bikullillah azza wa jal » مَا سَلَكَكُمْ فِي سَكَرْ قَالُوا لَمْ نَكُمْ نَمُصَلِّينَ. Tout cela est affirmé par le Coran lui-même, dans le sens où Allah est dit, lorsque les gens du paradis s'interrogeront entre eux, à propos des criminels, ils diront, qu'est-ce qui vous a emmené en enfer? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui font la salat. Nous n'étions pas de ceux qui font la salat. Cela les a amenés où? فِي سَكَرْ. Sakar, c'est parmi les noms de l'enfer. وَلِعَذُ بِاللَّهِ. وجاء في حديث أبي هريرة عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد يعتزل الشيطان يبكي. Lorsque le croyant, ou plutôt le fils de Adam, récite dans le Coran un verset ou une sajda, une prosternation et qui se prosterne, Shaitan s'éloigne de lui et s'en va en pleurant. يقول يا ويله وفي رواية Abi Kureib, ya wayli. Il dit, pauvre de moi, malheur à moi. Umira ibn Adam bis sujud fa sajada falahu al-janna. Umirtu bis sujud fa abaytu faliya an-nar. Il a dit, pauvre de moi, malheur à moi. Le fils de Adam, il était ordonné de prosterner, il a obéi, il a eu le paradis. Et moi, il m'a été ordonné de me prosterner, j'ai refusé, je suis voué au feu. Et cette prosternation qui était donnée à Iblis à l'époque, c'était en guise de révérence pour Adam par obéissance à Allah Azzawajal. Ce n'est pas une salat. Lorsque Allah a ordonné aux anges de se prosterner pour Adam. Car la prosternation, c'est une ibada. Cette prosternation pour eux, c'était, ou une salutation, une marque de respect pour eux, mais l'obéissance, l'adoration, c'était pour Allah, car c'est Allah qui leur a dit de le faire. Iblis a refusé, par orgueil et par jalousie, résultat, il était voué à ce que vous le savez. Et il est rajim lapidé. Donc, tout cela pour en arriver maintenant, après avoir fait ce léger résumé de certains méfaits dans la dunya pour ceux qui ne font pas salat, pour en arriver aux autres méfaits fil akhira dans l'au-delà. Car la dunya, yadar amal, c'est le lieu pour œuvrer. C'est une occasion pour nous pour œuvrer. Voilà, Jaza. C'est-à-dire, c'est le lieu où on œuvre, on n'est pas encore rétribué. Wal-akhira dar jaza wal-amal. Alors que l'au-delà, c'est tout le contraire. Il n'y a plus d'œuvre, c'est fini, on ne travaille plus. Et c'est là qu'on sera rétribué. Tu ne peux pas rattraper après la mort, c'est fini. Une fois que tu es mort, c'est fini. Donc la fursa, elle est, d'accord, elle est. C'est maintenant qu'elle est. Donc là, par la suite, maintenant, ce délaissement de la salat emmène à des méfaits encore plus gravissimes par la suite. Awalan, la première chose au sujet de laquelle tu seras interrogé, min hukuk illah, par le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la salat. Comme cela fut rapporté chez l'imam Abu Daoud, selon Abu Huraira, radhiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. La première chose pour laquelle les gens rendront des comptes le jour de la résurrection, parmi leurs œuvres, c'est la salat. يقول ربنا جل وعز للملائكة وهو أعلم. Allah va dire à ses anges alors qu'il est plus savant, انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها. Regardez la salat de mon serviteur, est-ce qu'il l'a bien faite complètement ou est-ce qu'elle est manquante, est-ce qu'elle est réduite? C'est-à-dire qu'il n'a pas bien fait. فَإِنْ كَانَتْ تَمَّةً فَكُتِبَتْ لَهُ تَمَّةً. Si sa salat, elle est complète, bien faite, elle sera écrite comme telle. وَإِنْ كَانَتْ إِنْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا فَانْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوَّعَ. Il a dit, par contre, si jamais ses salawats, elles sont mal faites et manquantes, alors regardez dans sa salat ce rogatoire qu'il aurait fait pour pouvoir combler le manque. قال فَإِنْ كَانَتْ لَهُ تَطَوَّعَ أَتِمُّ لِعَبْدِي فَرِضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ. Si jamais il a des salats surrogatoires, alors prenez-en de ces salats surrogatoires, nawafil, pour combler le manque dans ces salats obligatoires. Et ainsi de suite. Chaque œuvre qu'il aura fait parmi les œuvres surrogatoires, il sera pris de ces œuvres-là pour pouvoir combler le manque dans ces salawat. Donc toi, tu viens au Malqiyama, pas le salat. Ni surrogatoire, ni obligatoire. Pas le salat. Ni la wajiba maktouba ou la nafila ou la azbillah. D'ailleurs, les ulama, comme notre shaykh al-Hajouri, disent pour celui qui a raté une salat, yani sans excuse, elle sort de son temps, lui voit que la salat c'est fini, tu ne peux pas la rattraper. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il conseille de faire plein de salat nawafil, justement par rapport à ce hadith-là, pour pouvoir combler ce manque. On espère au Qiyama que ces salats que tu auras fait hors de leur temps, qui n'auront pas été valides, seront comblés par les surrogatoires que tu auras fait à côté, avec une bonne niya. Ensuite, qu'en est-il du châtiment qu'encourt celui qui dort aux heures de salawat al-maktouba, qui dort volontairement, car ça arrive de dormir. Maladie, fatigue. D'accord ? Dans le hadith, man nama an salatihi fa waqtuha idha dhakaraha aw nasiya waqtuha wa kafaratuhu an yusalliha idha dhakaraha. Que celui qui s'est endormi lors de la salat ou qu'il a oublié, son expiation, c'est de l'accomplir au moment où il se réveille, au moment où il s'en rappelle. Donc il est excusé, il n'a pas fait exprès. Là, ça parle de ceux qui dorment volontairement. Quand le hadith de Samura ibn Jundub, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam justement est monté fil mi'raj, monté aux cieux, et il a vu les gens qui se faisaient châtier pour différentes raisons. Parmi eux, il a vu un homme, qala rajul muttaji', un homme allongé. Wa idha akhar qa'imun 'alayhi bi sahra, et un autre qui est debout à côté de lui avec une grosse pierre, un rocher. Wa idha huwa yahwi bi sahrati li ra'sihi fa yasluhu ra'sahu. Que l'autre prend la pierre et écrase sa tête avec. Celui qui a la pierre écrase la tête de celui qui est allongé. La pierre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe et elle roule. C'est-à-dire, il lâche la pierre sur la tête de celui qui est allongé. Après, la pierre tombe par terre et elle roule. Donc, celui qui est debout va vers la pierre et la récupère, le rocher. Et que ensuite, qu'il recommence cette action, c'est-à-dire la tête de celui qui était écrasé se guérit, et là l'autre il recommence, et ainsi de suite, il répète l'action. Et lorsqu'il a, le Nabi s'est en interrogé Jibril par rapport à cet homme, il a dit intaliq, intaliq, c'est-à-dire avance, avance. Et après, il a vu d'autres choses. Genre, il se faisait châtier pour le zina, pour le mensonge, pour le riba, et les alika. À la fin, il l'a interrogé sur chacun qu'il a vu. Pour revenir au cheikh du hadith, celui-là, là, dont on parle, il a dit, Jibril lui a répondu, Amma rajul al-awwal alladhi atayta alayhi yuslahu ra'suhu bil hajar. Cet homme que tu as vu, qui s'est fait écraser la tête par des pierres, d'accord, c'est un homme qui a pris le Coran et qui ne l'applique pas, d'une part, et qui dort à l'heure des salawat. Qui dort à l'heure des salawat, lesquels? Maktouba, ceux qui sont obligatoires. Donc on le redit encore. Ma ba'lu kabiman lam yusalli aslan. Qu'en est-il de celui qui ne fait pas la salat du tout, à la base? Ce n'est même pas... Même pas, il dort, ça se trouve, il est au football, ça se trouve, il est devant la télévision, ça se trouve, il est au travail, ça se trouve, il fait a'ouzbillah des choses encore plus graves et encore plus interdites en religion. Le shahid, c'est qu'il ne fait pas la salat. Qu'attend une personne de la sorte? Kazalik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, va reconnaître les siens, yom al-qiyamah, les gens de sa umma, yom al-qiyamah, par les traces du wudu, des ablutions. Kama ja'a fi hadith Abi Hurayra, عند الصحيحين إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء que certes ma communauté seront appelées le jour de la résurrection en ayant les marques, la lueur des traces des ablutions sur eux. Ils seront, on pourra les reconnaître par cela, les parties des ablutions seront lumineuses, on pourra les reconnaître. Et les ablutions ne sont faites que par qui? Car par ceux qui font la salat. Celui qui fait la salat, qu'est-ce qui fait les ablutions? Ça les sert à quoi? Ça ne sert à rien du tout, il ne les fait pas. Kazalik, après le passage sur le sirat, le pont de l'enfer, ceux qui seront passés parmi les croyants, qui ont été épargnés de tomber dans le feu ou d'être châtiés, quand ils auront vu qu'ils ont réussi, ils demanderont auprès de leurs frères, comme dans le hadith d'Abu Saïd el-Khudri, قالوا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. Diront, oh, notre Seigneur, nos frères, on ne les voit pas maintenant là, qu'ils aient salat avec nous, et qui jeûnaient avec nous, et qui œuvraient avec nous. Ils sont où, on ne les voit pas. فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. Il dit, allez vers le feu, et ceux dont vous trouverez dans leur cœur un grain, d'accord, de dinar, de foi dans leur cœur, alors sortez-le du feu. Ils ont bien précisé. Kanu saluna ma'ana, ils faisaient la salat avec nous. Ils n'ont pas dit n'importe qui, ils n'ont pas dit mon grand-père, ou ils n'ont pas dit ma tante, ou ils n'ont pas dit mon oncle ou mon fils. Kalu ikhwanuna kanu saluna ma'ana, nos frères qui faisaient la salat avec nous, et qui jeûnaient avec nous, et qui œuvraient avec nous. C'est-à-dire, ça concerne tout croyant. Ce n'est pas les liens de parenté, ou les liens d'amitié. Les liens là, de fraternité, imaniya, islamiya, en religion. Thumma qala, yuharrimu Allahu suwarahum 'ala an-nar, que Allah va interdire au feu de toucher à leur visage, à cela, pour qu'ils puissent être méconnaissables. Et kadhalik, dans la même, dans une autre version de ce hadith, qu'il est dit que le feu de l'enfer, pour que justement ces gens-là soient reconnaissables, le feu ne touche pas les parties de la prosternation, les marques de la prosternation. Ces marques-là qu'on a sur le front, le feu ne les touche pas. كما قال تعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة qu'une fois justement que Allah a fini de juger entre les gens, certains sont rentrés au feu et d'autres ont été épargnés, Allah veut faire miséricorde à ceux qu'il veut parmi les gens du feu. Allah ordonnera aux anges أن يخرجوا من كان يعبد الله, qu'ils sortent du feu ceux qui adoraient Allah. Qui sortent du feu, ceux qui adoraient Allah. فَيَخْرُجُونَ وَيَعْلِفُونَهُمْ بِأَثَرِ السُّجُودِ. Donc ils sortiront du feu et les reconnaîtront comment ces gens-là? Par les traces de la prosternation. وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرِ السُّجُودِ. Que Allah a interdit au feu de consommer la trace de la prosternation. فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ السُّجُودِ. Donc ils sortiront du feu et que le fils d'Adam est entièrement consumable par le feu, hormis les traces de la prosternation. Kadhalik, dans ces mêmes hadiths du Yom al-Qiyamah, lors de l'intercession, que ceux qui faisaient la salat, la kinriya'an, par ostentation, pour autre que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri. Lorsque les Allah Azza wa Jal se présentera à sa créature et qu'ils le reconnaîtront par ses attributs. Car Allah, il a des attributs, on les affirme comme ils sont vus dans les textes, sans interpréter, ni chercher à comment, ni de faire de d'anthropomorphisme, c'est-à-dire de ressemblance à la créature, ni de supprimer, tel qu'il est, tel qu'il l'a dit. Il va se présenter à eux. Ils diront, tu es notre Seigneur. Après, il dira, au Anbiya, hal lakum min ayatin talifunaha. Est-ce que vous avez une chose de Allah Azza wa Jal par laquelle pourrait certifier que vous le reconnaissez? Ils ont dit Nam al-Sarq, ils ont dit la jambe. Et Allah va montrer sa jambe à ce moment-là. Faqala Abu Sa'id, Sa'imatu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Yakshifu Rabbuna an Sa'qi, Fayasjudu lahu kullu mu'min wa mu'mina. Que lorsque Allah va montrer sa jambe, que chaque tout croyant et toute croyante se prosterneront à ce moment-là. Ça, c'est Yom al-Qiyam. Fayabqa kullu man kana yasjudu fi dunya riya'an wa sum'a. Et que ceux qui se prosternaient par ostentation, et pour que Allah dans cette dunya, ne pourront pas se prosterner. Il va vouloir se prosterner, mais ne pourra pas. Son dos va rester rigide. Son dos va rester rigide, il ne pourra pas se prosterner. Et cela, cela en guise de punition, de châtiment, pour ce qu'il aura délaissé en ce bas monde, comme adoration qui était la salat. Et ça, c'est le tafsir, ce hadith-là, cette partie-là, Fikullah Azza wa Jal, Surat al-Qalam, Yom yukshafu an sa'qin, wa yud'un ila sujud, falyastati'un. Le jour, il va dévoiler, justement, montrer sa jambe, qui seront appelés à se prosterner, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Ça revient à ce hadith-là. Donc là, ce qui attend ceux qui ont agi pour autre que Allah, mais ils ont agi. Ils ont agi. D'accord ? Ou peut-être que c'est partiellement pour Allah ou pour autre que lui, on ne sait pas à quel degré. On va dire quoi de celui qui n'a pas agi du tout ? Qui n'ont jamais agi à la base. Comme qu'a dit Ta'ala, khashiratan absaruhum tarhukum. Dhillatun wa qad kanu yud'un ila sujud wa hum salimun. Que leurs regards seront abaissés et l'avilissement le couvrira. Or, ils étaient appelés à la prosternation alors qu'ils étaient en condition de le faire, c'est-à-dire c'est en bonne santé. Ils étaient en bonne santé. Ils avaient le temps. Ils avaient l'occasion de le faire. Ils ont refusé de le faire. Yom al-Qiyama, ils en seront privés. Au moment où Allah Azza wa Jal laissera les croyants le faire. Voilà le musta'an. Même lors des combats, ou lors de la peur, lorsqu'on est malade, lorsqu'on est en voyage, cette salat reste obligatoire pour nous, avec ses règles, car elles sont allégées. C'est devant l'ennemi, et pourtant la salat, on doit la faire. Tu as atteint une maladie, mais tu es encore conscient, et tu peux encore bouger. Ta salat, tu dois la faire en mesure de tes capacités. Tu es en voyage, tu peux raccourcir la salat et joindre entre elles, mais tu dois la faire quand même. Et eux, la délaissent, impunément. Alors qu'ils sont en sécurité. Ils sont pas au combat. En bonne santé. Ils ne sont pas malades. Certains d'entre eux, même le mezid à côté de chez eux. Il y en a. J'en ai vu au Yémen. Ils sont, à cause du kot, cette herbe qu'ils broutent, qu'ils mâchent, qui est une forme de drogue, qui les rend, là où on fout tour, ils ont plus de force ni rien du tout. Ils font pas la salate. Wallah, il y en a un, je le connais personnellement. Il travaille dans un garage. Il a un mosjid à 100 mètres derrière son garage. Et à l'opposé de la rue, un autre mosjid à 100 mètres. L'Azan ici et l'Azan là-bas, sans compter les autres mosjids qu'il y a dans le quartier. Malgré cela, il ne fait pas la salat. Il le reconnaît lui-même. Il a dit, ça c'est quand je prends mon qat, cette herbe. Sans quoi je fais la salat. Ou je l'ai fait, mais pas en son temps, pas à Jamara. Le mosjid est devant lui. Il le voit, le mosjid. Il voit les gens partir au mosjid. Il entend l'Azan. Ici, il y a les micros, c'est-à-dire il y a les haut-parleurs, tu entends la salat, il n'y va pas. Voilà le musta'an. Et c'est quelqu'un qui l'a fait à la base. Donc, que va-t-on dire ceux qui ne la font pas du tout? Et que l'autre, les occasions leur sont présentées. Et sans même compter, avec tout ce qu'on a dit là, les ahadiths qui parlent de la mécréance claire de celui qui délaisse la salat. Kafi hadith Abdullah ibn Buraïda. Kama ja an muslim. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul: "Al-ahd alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar wa fi riwaya faqad ashrak." C'est-à-dire la garantie qui est entre nous et eux, le pacte qui est entre nous et eux, c'est la salat. Celui qui la délaisse aura certes mécru et dans une version aura certes associé. Wa Ibn Abi Shayba akhraja fi musannifihi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه après qu'il soit fait poignarder dans la salat. Regardez, Omar, il a été tué où? En faisant la salat. Il s'est fait poignarder dans la salat. Malgré cela, قال les Ibn Abbas et Ibn Mukhrama l'ont rendu visite alors qu'il était sur son lit de mort, ou plutôt en situation de... Il était sur le point de mourir. Après, s'être fait poignarder. Il a dit « As-salah ». Il a dit « La salat ». ثم قال إنه لا حظ لأحد في الإسلام لمن أضاع الصلاة. Qu'il n'y a aucune part pour celui, c'est-à-dire aucune part en islam pour quiconque aura délaissé la salat. Et il faisait salat alors que le sang coulait de lui, de ses blessures. Regardez à quel moment il a dit cela. Au moment de sa mort. يقول الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أدعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Il a dit, puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la salat et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition. يا عباد الله الله الله في صلاتكم. Toutes ces preuves là, et il y en a d'autres, là ce n'est qu'un résumé. Combien y a-t-il de preuves qui amènent au danger qu'encourt ceux qui délaissent la salat selon l'avis de ceux qui ne voient pas leur mécréance. Et pourtant, malgré ce verset qu'on vient de citer là, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, après, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-janna wa la yuzlamuna shay'a. Hormis ceux qui seront repentis et qui auront cru et qui auront œuvré dans le bien, ceux-là entreront au paradis et ne seront point lésés. Donc la tauba reste ouverte. هذه فرصة ما دمت حيا فتوب إلى الله عز وجل وأصلح نفسك وارجع رشدك وأقيم هذه الصلاة. Reviens à la raison. Repends-toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et agis tant que la vie est devant toi. Que la tauba reste ouverte. فإن الله لغفور رحيم وإن الله والتواب الرحيم. Que Allah est le grand accueillant au repentir. وقال تعالى فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. Que celui qui se repentit après avoir été injuste envers lui-même et qui se réforme, que Allah accepte son repentir et Allah est غفور رحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي هريره وابن عمر كان الله يقبل توبه عبده ما لم يغرر. Que Allah accepte la toba de son serviteur tant qu'il n'agonie pas, il n'est pas dans l'agonie, c'est-à-dire au moment de mourir, qu'il voit la mort devant ses yeux. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة وأن التوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس مغربها. Que la hijra reste effective tant que la tauba est acceptée, et la tauba est acceptée tant que le soleil ne se lève pas de son couchant, c'est-à-dire de façon générale. Donc l'occasion reste pour ceux qui ont encore un cœur et qui veulent revenir vers leur Seigneur. Tous ces adillah encouragent la personne à réaliser le danger qu'elle encourt et ce qui risque de l'attendre, yom al-qiyama, si elle ne se reprend pas. Et personne n'est à l'abri demain, aujourd'hui qui fait salat, d'être concerné par cela également. C'est un rappel pour celui qui fait et pour celui qui ne fait pas. Fadhakir fa'inna dhikratan fa'al mu'minin. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Hadha. Fanas'al Allah azza wa jal an yuwafiq adil umma muslihaha laha. ونثبتنا على دينه وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.